C'est fou ce que l'amour peut transformer les choses. On sent soudain renaître d'étranges sensations. On marche plus, on court, on se métamorphose. Et l'on sent tout son être dévoré de passion. C'est fou ce que l'amour peut transcender les choses. On croyait être sourd à certains sentiments. On pourrait presque entendre respirer les roses. On croyait être aveugle, on voit plus loin qu'avant. De l'amour à la haine, du meilleur jusqu'au pire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je n'ai rien d'autre à dire. Là, je n'existe plus, on se sent tout léger. On retrouve la fraîcheur de sa jeunesse enfuie. Comme si nos 20 ans nous avaient rattrapés. On a cette impression de découvrir la vie. Oh mon Dieu, comme je l'aime, même si Dieu n'y peut rien. L'amour fait des miracles à le rendre jaloux. On l'implore, c'est sans doute qu'il y a un lien. L'amour nous rend meilleurs, parfois il nous rend fous. De l'amour à la haine, du meilleur jusqu'au pire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je n'ai rien d'autre à dire. C'est fou ce que l'amour peut distiller les choses en parfums capiteux et subtils à la fois. C'est la reine des drogues, la plus belle overdose. L'amour est le plus fort des stupéfiants, je crois. Ce que l'amour peut engendrer de choses. On raye sans pitié les mentions inutiles. Et l'on ne se bat plus pour de stupides causes. Rien que nous et le monde devient une presqu'île. De l'amour à la haine, du meilleur jusqu'au pire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je n'ai rien d'autre à dire. Tout évolue, tout change, de la pierre à l'atome. Mais l'énergie d'amour du Big Bang à nos jours. Face à cette tornade, nous ne sommes que des mômes qui rêvent d'un manège qui tournerait toujours. C'est fou ce que les hommes se sont trompés de foi. Il y a 1000 façons de remercier le ciel. En cherchant la fortune, ont-ils fait le bon choix ? L'homme en trouvant l'amour a compris l'essentiel. De l'amour à la haine, du meilleur jusqu'au pire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je n'ai rien d'autre à dire. De l'amour à la haine, du meilleur jusqu'au pire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je n'ai rien d'autre à dire. De l'amour à la haine, du meilleur jusqu'au pire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime à en mourir.